Comme je suis, au fond t'en as envie. Simplement tu n'oses pas. Pour une fois écoute-moi, je serai ta vie, ton amour même une nuit. Alors fais-moi confiance, écoute celle que je suis. Tu vois comme je suis. Je veux te plaire rien que pour toi. Je veux exister rien que pour toi. Je veux être celle que tu désires. Seulement pour une nuit, je veux y croire. Être l'objet de tes désirs. Pourquoi me dire tu n'oses pas? Parce que c'est moi qui y crois. Je veux encore essayer de séduire, te conquérir. Je veux savoir, dis-le-moi, pourquoi tu veux me détruire? Confiance, écoute celle que je suis, tu vois comme je suis.